Et moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Je ne fais pas trop souvent de vidéos coup de gueule. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui râle ou quelqu'un qui est de grincheux, etc. Mais là, franchement, je ne pouvais pas laisser passer ça comme ça, c'est pas possible. Une fois de plus, on porte atteinte aux libertés des femmes musulmanes et des femmes voilées, et de la femme en tout court, de la femme en général, tout court. Vous nous interdisez de nous baigner avec nos maillots dans les espaces publics, vous nous interdisez de faire plein de choses, et vous voulez pas qu'on se mette, qu'on fasse nos choses de notre côté à nous, donc de se regrouper et de faire nos choses à nous. Donc si vous ne nous donnez pas ces libertés-là, il faut bien 15 jours, on les prenne ces libertés. Une fois de plus, je suis dégoûtée de ce gouvernement, je suis dégoûtée de cette politique, je suis dégoûtée de il y en a que pour la gueule des musulmans, les musulmans, et après on me dit « Ah, oh, mais il y a certaines personnes qui viennent mettre des commentaires, encore des musulmans qui viennent pleurer, crier au racisme et crier à l'islamophobie. » Mais qu'est-ce que c'est ça? Si ce n'est pas de l'islamophobie, c'est quoi? Franchement, je suis optimiste, j'espère que les choses changeront. Qu'on aura un nouveau président qui changera la donne. Je sais pas, je sais pas quoi faire pour... Ferme ta gueule, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu défends comme position, toi? Mais ferme ta gueule. Franchement, je le dis comme je le ressens, sans filtre, ferme ta gueule. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Démocratie participative, hein, épisode numéro 7. Alors, avant de commencer, je rappelle qu'on a une adresse email à laquelle vous pouvez nous écrire. D'ailleurs, on va répondre à un email qu'on a reçu qui nous pose une question assez intéressante cette semaine. C'est donc Démocratie participative en un seul mot. Pas d'accent sur démocratie, hein. Démocratie participative @mail.ru. Donc vous pouvez nous envoyer une mail. On a également une page Facebook et un blog en ligne aussi où on met nos dernières nouvelles, hein, tous les derniers développements de l'émission, ainsi que des vidéos, etc. Alors je vais présenter nos intervenants de cette semaine. On a bien sûr Fulbert, comment vas-tu, Fulbert? Fulbert va bien, je vous remercie. Bonjour à tous. Depuis la Belgique, hein? Absolument. Argyle, comment vas-tu, Argyle? La forme? Bismillah, bismillah, bismillah au nom d'Allah. Ah bah, tu reviens de vacances, c'est pour ça que... Voilà, c'est ça. T'en as croisé beaucoup? Non, j'en ai pas croisé beaucoup et c'est tant mieux. Et par contre, j'ai croisé des gens qui m'ont reconnu, c'était amusant. Ah, le début de la célébrité peut-être. Voilà, c'est ça. Hopman America, Captain, comment vas-tu, Captain? Bah, ça va très bien, les gars, j'ai envie de vous dire. Wie geht's es dir, hein, comme on dit en allemand, comment ça va vous? Nous, ça va bien, nous. MacDav, salut MacDav. Salut à tous, salut tout le monde. Porovitch, la forme, Poro? Shalom alaikum à tout le monde, ouais, la forme, la fureur de vie. La fureur de vie, exactement. Et capitaliste, est-ce qu'il va accepter de nous répondre, capitaliste? Bonjour tout le monde. Salut capitaliste. Bon les gars, comme vous le voyez, il s'est passé, comme toujours, je crois qu'on n'est jamais déçus, pas mal de trucs cette semaine. Je vous propose, une première rubrique que j'ai voulu souhaiter... que j'ai voulu intituler Autisme radical. C'est un petit peu les nouvelles les plus originales de la semaine dans leur genre, qui témoignent en fait de la folie ambiante en quelque sorte. Je vais commencer sans transition aucune par cette nouvelle que vous avez peut-être lue. avec ce qui s'est passé en Allemagne, donc la tuerie de Munich, hein, on a eu un Iranien qui a exécuté plusieurs personnes dans un centre commercial à Munich, qu'on nous a présenté, comme vous le savez, comme un dangereux militant d'extrême droite parce qu'il aurait eu une fascination pour Breivik, éventuellement une sympathie pour Adolf Hitler. Et donc ce fasciste donc extrêmement dangereux, bon, passablement d'origine iranienne, qu'on a vu d'ailleurs en pèlerinage en Iran, avait été interpellé durant la tuerie par en fait un voisin, un témoin, hein, qui habitait aux abords donc du centre commercial et qui l'avait pris à partie pour essayer en fait pour l'appeler à déposer les armes en disant bon, qu'est-ce que tu fous, etc. Je vais juste citer la presse un petit peu pour dire de quoi il en retourne. Donc je cite exactement la personne. J'étais en train de boire une bouteille de bière quand j'ai entendu des tirs. C'est là que j'ai vu ce type avec une arme. J'ai essayé de le toucher avec une bouteille de bière, mais j'ai pas réussi. Je lui ai crié qu'il était complètement dingue et que c'était un idiot. Avait dit Thomas Salbi, le mec qui était donc le voisin, au journal Bild. Et puis, il avait aussi, et c'est là que ça devient intéressant, il avait aussi agrémenté son interpellation de propos comme sale étranger et des choses de ce genre. Et il a été depuis, comment dirais-je, poursuivi par le parquet de Munich pour incitation à haine raciale. Donc, en fait, le voisin qui était aux abords est maintenant poursuivi pour racisme contre le tireur. Ça vous inspire quoi, cet épisode? Moi, j'ai trouvé quand même, ne serait-ce que l'histoire fabuleuse, parce qu'il faut voir aussi la photo, la photo du mec. Bon, tu vois, c'est vraiment le gros bof, tu vois, qui devait être bien fumé à la bière, et qui, voilà, s'est mis à insulter le type, parce qu'apparemment, la scène, le type était sur un toit d'immeuble, en fait, d'après ce que j'ai compris. Donc, lui, de son balcon, voyait le terroriste armé, qui était encerclé par les flics, donc il devait y avoir un échange de tirs. Et en fait, le mec bourré, parce que je pense qu'il était quand même assez bourré pour se mettre à insulter un terroriste armé, à lui balancer une canette de bière. Enfin, j'imagine la scène, ça devait être, enfin voilà, c'est Groland, quoi. Enfin, et je trouve ça, enfin bon, c'est une anecdote sympa. Et bon, voilà, on arrive au fait, le truc encore plus surréaliste, c'est que le type soit poursuivi, quoi. Là, on arrive à un degré d'ethno-masochisme absolument unique au monde. Bon, l'Allemagne est quand même assez bien placée pour ça. Et j'ai trouvé le truc hallucinant, parce que quand on voit le physique du mec, on imagine la scène, il est tout rougeau, il est en Marcel, sur la photo, il y a un faux corbeau immonde à côté sur son balcon en béton, enfin, j'imagine la scène fabuleuse qui lui balance sa canette de bière dessus, alors que le mec était armé avec un fusil d'assaut, enfin, voilà, et là, on trouve quand même, un procureur, enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe en Allemagne pour les dépôts de plainte, pour porter plainte contre lui, puisqu'il l'a traité de putain d'étranger. Enfin, c'est absolument hallucinant. Vas-y, Mathieu, dans le même genre, tu vois, t'as un mec qui s'est pris 6 mois de prison parce qu'il a offert, dans un esprit d'échange multiculturel et d'échange de spécialités culinaires, des lardons dans une boîte aux lettres. Voilà, c'est la France. En France, Allemagne, ouais. Même combat, on va s'en prendre plein la gueule. Moi, j'ai vu la vidéo. Hein. Je l'ai vue au moment des fêtes, parce qu'en fait, c'était un petit peu la vidéo qui... Là, c'est pratiquement la seule vidéo des faits. Il y en avait une autre où on voyait brièvement le tireur qui sortait du McDonald's et qui tirait à vue sur des passants. Hein. Et c'était l'autre vidéo, en fait, où, justement, on pouvait voir le tireur en action. Et effectivement, on voyait ce voisin. Enfin, on le voyait pas, mais on l'entendait crier des insultes et tout. Il dit qu'est-ce que tu fous, etc. Et c'est vrai que c'était assez marrant à ce moment-là. Par contre, à aucun moment, et pourtant Dieu sait que le délire gauchiste ambiant en Allemagne est on ne peut plus présent. On n'a même pas le droit. Enfin, la moindre virgule mal placée se termine très mal pour celui pour le fautif, quoi, mais je m'attendais absolument pas à voir la personne traîner devant les tribunaux pour avoir incité à la haine raciale contre un Iranien qui se met à tuer des innocents, des civils à Munich, quoi. C'est là où je vous avouerai que ça m'a épaté. Je me suis dit que les Allemands, ils étaient très très inventifs et en même temps très taquins, quoi. Ils sont déterminés. Il y a un côté jusqu'au boutiste chez les Allemands. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je le ressens bien, ça. Ah, quand ils marchent, ils marchent. Hein. Alors, malheureusement, quand ils marchent dans la connerie, ils y vont jusqu'au bout également. Non, Oui, il n'y a mais pas de marche arrière. on marche complètement sur la tête parce que faut faire le parallèle avec les terroristes, dont certains avaient été condamnés et avaient bénéficié de larges, très larges remises de peine. Et condamnés pour quoi? Pour des braquages, pour des violences, des multirécidivistes. Donc d'un côté, on a des mecs qui sont des crapules, qui bénéficient de toute la complaisance de la justice, et de l'autre, on a un type qui lâche une insulte, qui se fait judiciariser, on a un mec qui met des lardons dans une boîte aux lettres, on lui met 6 mois avec sursis, c'est le délire complet. Et ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que toutes les réactions un petit peu, j'ai envie de dire, d'instinct de survie de la part des Blancs sont ultra sanctionnées. Moi, je pense. Notamment aux perquisitions en Allemagne. Il y a 60 mecs qui sont fait perquisitionner parce qu'ils avaient des propos méchants sur Internet. En Belgique, même chose, on va faire chier les militaires qui ont des engagements politiques à l'extrême droite. Ah oui, effectivement, ça, je l'ai vu ça récemment, ça. C'est très récent, ça, hein. Je crois qu'on est parti traquer dans la même fibre, hein, le danger fasciste, je crois, chez des militaires qui peuvent être éventuellement en faction et tout. Oui, D'un autre alors côté, qu'à l'inverse. c'est pas hyper malin de la part de militaires, que ce soit dans n'importe quel pays, de s'afficher dans un groupuscule, de s'afficher sur des photos où on les reconnaît. Ça, de tout temps, à toute époque, quand tu es militaire, tu ne dois pas t'afficher politiquement. Donc oui, effectivement, on est dans un processus de persécution des nationalistes, mais bon, déjà, c'est pas très intelligent en tant que militaire de t'afficher politiquement dans un groupuscule, en particulier sur des photos sur des réseaux sociaux, parce que c'est de ça qu'il s'agit pour les Belges. Et sinon, cette persécution, en fait, elle s'explique politiquement. C'est un processus, en fait, voulu, dans le sens où les gouvernants européens refusent de désigner l'ennemi, refusent de remettre en cause le vivre ensemble, la bougnoulisation, la négrification des peuples européens. Il est évident que pour se donner l'impression d'agir, il faut absolument trouver, disons, un bouc émissaire. Je ne voudrais pas parler comme un gauchiste, mais ouais, par contre, le bouc émissaire, bah, en fait, voilà, ce sont les nationalistes, ce sont ceux qui, en fait, diraient tout haut ce que la majorité des Blancs européens pensent tout bas. Donc c'est bien là le risque. Le risque, c'est qu'en fait l'État, les différents gouvernants étant absolument incapables, perd le contrôle en fait, perd le contrôle de la situation et en fait essaie de taper sur les gens sur qui ils peuvent taper, sur qui ils ont la possibilité de taper, puisqu'ils sont en train de perdre le contrôle. Donc là c'est un processus en fait qui va s'accentuer, mais c'est aussi intéressant dans le sens où l'État, les gouvernants perdent vraiment le contrôle puisqu'ils refusent totalement de mener la guerre face au terrorisme islamique, face à l'invasion migratoire. Alors en fait, bon, je suis d'accord avec ton constat, Argyle, mais c'est là quand tu désignes l'ennemi, c'est là où je suis pas d'accord, dans le sens où les hommes politiques et toute cette caste médiatique en fait au pouvoir ne refusent pas de désigner l'ennemi. Le problème, c'est que ce sont eux l'ennemi, parce que c'est eux qui sont responsables à la base de tout ça, quoi. C'est eux qui ont fait venir contre notre gré depuis 40 ans des populations extra-européennes, quoi. Je veux dire, il y a une logique très simple, hein. Pas d'arabes en France, pas de terrorisme islamique. Pas d'extra-européens en France, il n'y a pas toutes ces questions, ces crimes raciaux, quoi. Ah oui, exactement. On peut même pousser la plaisanterie un petit peu plus loin. Imaginez qu'un type qui, je ne sais pas moi, revient du centre de tir, qui a une arme légale, et qui se trouve brutalement dans une situation où il observe un ou deux personnages qui ouvrent le feu sur les passants, qui sont manifestement des terroristes, que le tireur en question sorte son arme et ses munitions et qu'il ouvre feu et abatte un des terroristes. Jusqu'à quel point le régime, qu'il soit belge, français ou allemand, n'ira-t-il pas jusqu'à le traîner en justice pour meurtre? volontaire. Ouais, en effet. Déjà, il fallait savoir que lors de l'attaque du Bataclan à Paris, comment des militaires en faction dans le cadre du plan Vigipirate avaient refusé d'intervenir parce qu'ils n'en avaient pas reçu l'ordre. C'est-à-dire qu'ils étaient juste une rue à côté, il y avait des flics qui leur disaient « mais venez », il y a même un flic qui avait demandé à un militaire « mais filez-moi votre FAMAS que je puisse aller tirer à l'arme lourde sur eux ». Il a refusé de filer le FAMAS, donc on est dans un état de crispation, de tel masochisme, que évidemment ce que tu dis Fulbert, c'est quasiment certain, bon voilà, nous on réagirait sûrement, on aurait une arme, on voit une attaque terroriste à côté, c'est sûr qu'on flingue les mecs, au moins on essaie, mais c'est évident qu'il y aurait des poursuites pénales derrière, pour moi c'est une évidence. Oui, et ça fait partie d'un processus qu'on peut désigner comme l'impuissance acquise, en fait. Et les populations européennes, à la base, étaient des populations qui avaient un peu plus de couilles et ne se laissaient pas faire, mais à force de judiciarisation, à force de se faire traiter de raciste, de nazi, à force d'exclusion sociale, tout ce genre de choses, eh bien, effectivement, on arrive dans une société dans laquelle il vaut mieux ne rien dire, ne rien faire, plutôt que de passer pour un raciste ou pour un méchant ou faire quoi que ce soit, quoi. Mais tout déjà, ça, c'est volontaire. Quand tu es flic, le simple fait de sortir ton arme et de l'utiliser, tu sais qu'en l'espace d'une fraction de seconde, tu peux foutre ta carrière en l'air. Ah oui, absolument. Ouais. Absolument. Non, mais ce truc-là, ça a l'air de rien, en fait, parce que c'est une anecdote, et moi, je voulais la rappeler, mais tout le monde a bien compris le message. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez une tuerie dans le magasin au pied de votre immeuble. Alors, comme tu l'as dit, c'est assez pittoresque, parce qu'effectivement, c'est assez caricatural aussi, quoi. On a l'impression que c'est Groland, il y a un petit peu le bon allemand, tu vois, qui est en train de siroter sa bière et tout devant sa télé, il a son tatouage et tout, il voit un métèque qui se met à cartonner des gens au pied de sa tour, il l'insulte, mais il avait des bonnes raisons d'insulter, mais surtout, tout d'un coup, la machine dont on sent qu'elle a envie de broyer quelque chose, en fait, on a besoin de se venger, et surtout dans l'Allemagne actuelle, et même dans la France actuelle, il y a une telle colère rentrée, il y a une telle frustration de voir que ce ne sont pas du tout les théories de la gauche, etc., qui sont confortées, les théories de la démocratie triomphante qui sont confortées, mais c'est un fait, hein, plutôt les théories entre guillemets des nationalistes ou des identitaires ou de ce qu'ils appellent l'extrême droite, que en fait ils se disent bon, celui-là on va pas lui passer quoi que ce soit, alors que c'est d'abord et avant tout le témoin d'un massacre commis par un immigré sur des civils. C'est quand même ça l'idée, c'est comme ça, ce sont surtout les faits. Et ça pourrait paraître anecdotique si à la fois pour la personne et surtout pour ceux qui regardent, pour les témoins, et c'est le but, ça ne se transformait pas en cauchemar. Parce que je ne suis pas certain que... nous, ça nous fait marrer, on se dit, mais de toute façon, même s'il est poursuivi, ça peut pas mal se finir. J'en serais un petit peu moins sûr. Parce que pour que les types aient l'audace de le traîner en justice, c'est qu'ils ont l'air déterminés à lui faire quelque chose. Ils ont l'air d'être déterminés à lui faire quelque chose. Bon, passons au sujet suivant. Toujours dans le domaine un petit peu... Oui, Fulbert, tu voulais dire quelque chose ? Oui, j'aurais deux petites choses à dire si j'ai le temps. Et j'ai le temps. Je suppose que oui. Voilà. Ah oui, hein. Il faut bien comprendre une chose, c'est que dans le régime, qu'il soit allemand, français ou belge, la juridiction qui s'occupe des crimes ou des propos des actes racistes vient directement son origine dans les conclusions du tribunal de Nuremberg en 1946, par là, quoi, la fin de la guerre, qui avait pour vocation, à l'époque, de juger les vaincus allemands. Mais comme la juridiction de nos pays, de nos régimes, s'inspire des conclusions de ce tribunal pour la législation antiraciste, il est certain que le tribunal de Nuremberg jugeait les vaincus. Et donc, nos régimes, le régime européen en général, considère sa propre population comme un ramassis de vaincus. Ça, c'est ce que je tire comme enseignement, sans être un spécialiste. Par ailleurs, dans le cas de la Belgique, je vais faire une toute petite parenthèse. La presse n'a pas pu cacher récemment que si Au départ, l'État belge a mis dans la rue des militaires à l'image de l'État français et d'autres. Ces militaires étaient des troupes d'élite. On y a vu des parades, des paracommandos. On a vu aussi des unités très bien entraînées de chasseurs ardennais. Et maintenant, on y a vu aussi quelques éléments d'infanterie, donc des fantassins. Et maintenant, la presse explique aux gens, au peuple, aux lecteurs, qu'on voit des bérets gris, qui sont des troupes liées à des unités d'administration. On y voit des bérets bleus, qui sont des troupes liées à la logistique, qui ne sont pas, par définition, des combattants, même s'ils ont été formés pour. On y voit aussi des bérets bleus sombres, des artilleurs. Et on s'aperçoit, quand on connaît un petit peu la chose, que l'État belge, la défense belge, est occupé à mettre tous les moyens possibles et imaginables qui lui restent. Elle est au bout du rouleau, elle ne pourra pas aller plus loin. Alors il faut commencer à se poser de sérieuses questions en Belgique, mais la situation ne doit pas être très différente ailleurs quant aux possibilités du régime de réellement s'opposer au terrorisme. Oui, tu veux dire que la question de l'armement personnel des populations va se poser, c'est ça que tu veux dire? Mais je ne veux pas le dire, mais je l'imagine, parce que ça ne peut pas prendre une autre voie. Certaines personnes m'ont donné quelques informations. Par exemple, un ami qui est en stand de tir m'a dit, voilà, ici, le mois passé, on a enregistré 60 nouveaux membres. Or, ces gens, en fonction de la législation belge sur les armes, ces gens ne viennent que pour une chose, c'est pour avoir une petite formation obligatoire de tireur et pouvoir disposer d'une arme à feu personnelle. Ça ne fait aucun doute, on n'a jamais enregistré autant de gens en si peu de temps. Ouais, ça, c'est une information, par exemple. Et c'est bon signe. C'est bon signe, oui, mais il faut voir jusqu'à quel point ces gens souhaitent disposer d'une arme. Est-ce pour mieux dormir, se sentir, avoir des nuits plus tranquilles, plus rassurées, ou bien est-ce pour éventuellement ouvrir le feu quand ce sera nécessaire? Moi, je crois qu'on n'en est pas encore tout à fait là, mais bon, je crois que c'est simplement pour mieux dormir. C'est toujours mieux que des bougies et des dessins à la craie. Donc déjà, il y a au moins une prise de conscience d'une minorité de la population. C'est toujours bon à saluer. On se contente de peu de nos jours. Ou comme l'affirmait il y a quelques années à la télévision belge, le chef de la police de Bruxelles, Paul Bru, en disant, en conseillant une dame qui, une septuagénaire, hein, qui avait été agressée chez elle et son mari, et elle disait, voilà, si je prends le vieux fusil de chasse de mon mari, ou si lui le prend et qu'il tire dessus. Et le policier lui a dit, ah non, ne faites pas ça, vous avez bien une porte solide quelque part dans la maison. Et la dame a répondu, bah oui, la salle de bain, prise au piège. Et le type lui a dit, mais vous vous réfugiez dans la salle de bain, vous vous enfermez. Et surtout, vous ne faites rien. Authentique. Oh, c'est surréaliste. Bon, on reviendra probablement à l'occasion sur la question de l'autodéfense, hein. C'est un sujet, je pense, qui va revenir de plus en plus fréquemment. Alors, deuxième sujet relatif à l'autisme radical, hein, la rubrique autisme radical, cette histoire assez surréaliste, mais peu surprenante, ceci étant dit, du centre de loisirs aquatiques, réservé par des femmes musulmanes, je vais revenir dans le détail après, hein. Pour une journée durant laquelle en fait les musulmanes qui le souhaitent peuvent venir en burkini, c'est-à-dire un complet de bain où les femmes sont voilées des pieds à la tête et peuvent donc s'immerger. Alors je vais faire un résumé. Donc c'est en fait ça devait se passer je crois en septembre dans les Bouches-du-Rhône, donc près de Marseille, à l'Épène-Mirabeau, je crois, c'est ça le nom de la commune. C'était organisé par une association qui s'appelle Smile 13. Et Smile 13, ça veut dire, vous allez voir, ça c'est tout folklore, hein, les sœurs marseillaises initiatrices de loisirs et d'entraide. Donc les sœurs marseillaises, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc c'est les musulmanes de Marseille, les sœurs. Hein. Et donc, il y avait un certain nombre de restrictions donc vestimentaires. Faut savoir d'abord, d'une part, que les personnes normales, en gros, donc les non-musulmans ou les non-musulmanes ou les personnes désirant fréquenter le centre de loisirs en tenue normale, c'est-à-dire soit en bikini ou en maillot de bain classique, étaient interdites d'entrée. Hein, c'était privatisé, ils ont appelé ça comme ça. Ils ont dit, voilà, le lieu est privatisé pour une journée. Et il y avait un certain nombre d'instructions très claires. Voici ce que disait l'organisatrice de l'événement. Je compte sur vous pour respecter la... Alors là, vous allez vous mettre à l'arabe. La aura. Aura, qui veut dire en fait tout ce qui peut être caché par pudeur. Donc en fait, voilà, il faut préserver la pudeur féminine, entre guillemets. Et donc, ne pas venir en deux pièces. Hein, les deux parties doivent être cachées de la poitrine au genou. De la poitrine au genou. Le minimum est un maillot une pièce avec pareo ou short caleçon. Mais attention, les matières doivent être aqua. Ça, c'est le côté un petit peu marrant de l'affaire. Bon, voilà, ça doit pouvoir être immergé. Donc, je suppose que vous avez entendu parler de cette histoire parce que ça a fait réagir des élus politiques. On a vu des deux côtés d'ailleurs. Ce qu'on a vu, bon, on a vu des élus de droite. Enfin, bon, les réactions m'ont fait un petit peu sourire parce que c'était assez dérisoire. On va en parler, je pense que certains d'entre vous vont en parler. Et puis de l'autre côté, phénomène surréaliste, on a eu des socialistes comme Patrick Mennucci, j'ai oublié le nom de cet élu, mais il s'appelait Gabli, vous avez peut-être quelqu'un va pouvoir me le préciser, qui ont pris position en disant mais c'est scandaleux, c'est encore une polémique anti-musulman. Hein. Vous avez suivi cette affaire, j'ai trouvé ça surréaliste, ça y est, on se met à l'heure de l'Arabie Saoudite dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus? Ouais, alors, bah, moi, écoute, je vais peut-être avoir une réaction qui sera, disons, un peu différente de celle que vous auriez pu attendre. C'est qu'en fait, si le lieu a été privatisé, si j'ai bien compris. C'est-à-dire oui, oui, absolument. Fait, voilà, donc l'association a payé pour avoir le lieu, rien qu'à elle. Donc moi, c'est ce que je dis régulièrement, s'il y a une offre de ce genre, c'est-à-dire pouvoir louer le centre aquatique, c'est parce qu'il y a une demande. C'est comme la viande halal, c'est comme les quick halal. S'il y a une offre, c'est parce qu'il y a une demande. Donc l'immigration étant ce qu'elle est en France, moi je suis pas spécialement étonné, ni même outré, puisqu'on a bien compris que les musulmans, les arabo-musulmans, les afro-maghrébins musulmans étaient là en conquérant, qu'ils avaient décidé d'installer l'islam en France et toutes les coutumes qui vont avec. Donc, voilà, pour moi, je ne suis pas spécialement étonné à ce qu'ils demandent de privatiser une piscine, comme aurait pu demander un club de partouzeurs de privatiser une piscine pour pouvoir baiser dedans, ou autre, ou des nudistes, ou ce genre de choses. Pour moi, voilà, c'est une conséquence logique de l'invasion migratoire. Après, en vouloir à un centre aquatique qui loue son truc, bon, non, je crois pas. Pour moi, c'est une anecdote de l'immigration invasion, de la colonisation migratoire. Oui, ouais. Sauf que bon, là, effectivement, c'est une association qui loue les locaux, mais ça fait quand même au moins une bonne dizaine d'années que des municipalités réserve des plages au Moukaire. Ah oui, ça, généralement, par contre, oui, là, on est d'accord, là, par contre, c'est l'utilisation d'équipements publics à des fins religieuses en accordant une dérogation exorbitante. Donc là, on est d'accord, là, c'est différent. Mais un truc privé, bof. Oui, oui, non, alors, moi, bien je suis... sûr. Vas-y, Manga. Le problème, surtout, c'est que là, tu vois, ce qui se passe, c'est l'application de ce qu'on parlait la semaine dernière, c'est la dialectique du bon flic et du mauvais flic. C'est-à-dire, puisqu'il y a des attentats islamistes, donnez-nous, musulmans, les possibilités de faire en sorte que la communauté musulmane se sente bien et qu'elle ne commette pas d'attentats. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc la France est en train de s'islamiser en période d'attentats islamistes. C'est assez surréaliste, mais on est dans le scénario de Houellebecq. On est parfaitement dans soumission. En fait, la France s'islamise depuis avant les attentats terroristes, puisque la simple présence de tous ces immigrés musulmans, non blancs, c'est déjà l'islamisation. Et que là, c'est de plus en plus visible, quoi. C'est de plus en plus agressif. Non, mais ça s'accélère, en fait. C'est ça, surtout. Donc, les manifestations deviennent de plus en plus visibles. Moi, je m'inscris un petit peu en fond de ce que tu dis, Argal, même si je comprends ton propos en disant, bon, c'est anecdotique, etc. Moi, je crois que c'est moins anecdotique que ce qu'il peut paraître, parce que c'est quand même, et j'en ai rien à foutre du droit. Moi, je le dis clairement, j'en ai rien à foutre de savoir que c'est autorisé par la loi, j'en ai rien à foutre. De voir ces musulmans commencer à vouloir vivre au rythme de l'Arabie Saoudite, en sachant d'ailleurs que probablement il y a un... j'ai su, je l'ai appris, parce que c'est grâce à mes nombreux contacts, j'ai su que à Marrakech, l'immersion en burkini, comme ils appellent ça, donc en tenue islamique intégrale, est interdite. Et pour quel motif? Pour des motifs de trouble à l'ordre public et d'hygiène. Parce qu'il y a la question de l'hygiène aussi. Excusez-moi, quoi. Vous avez une espèce d'énorme sac à thé qui va poser sa graisse au bord de la flotte. Moi, ça me fait déjà juste dégueuler, quoi. Elle est en train de garder, enfin, vous imaginez le truc. Voilà. Un premier point. Et deuxième point, c'est pas du tout anecdotique, ce truc. Parce qu'ils sont comme ça. Ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Ils tentent, ils essayent. Hein, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a une réaction? Est-ce qu'il y a un truc, machin? Et j'ai lu dans la presse, totalement dominante, la presse bien pensante, c'était le journal Le Monde. J'ai lu le rapport des faits. Parce que je m'amuse à ça, en fait. Je m'intéresse aux faits, uniquement aux faits, et ensuite je vais voir le traitement médiatique qui est accordé à ce type de faits dans la presse dominante. Dans le journal Le Monde, c'était insoutenable. Parce que tous les canons du féminisme étaient sacrifiés sur l'autel du misérabilisme tiers-mondiste. Hein. Alors, on ne parlait, comment dirais-je, le point de vue des opposants était réduit à une forme d'électoralisme. Hein. Le pauvre Stéphane Ravier du Front National était, comment dire, présenté comme un immonde calculateur. Il était motivé par le cynisme. L'UMP, la même chose. Et alors, quand ils ont fait parler la présidente de l'association, c'était des larmes, hein, des larmes de grosses larmes orientales, n'est-ce pas? Où on expliquait que, oh là là, mais nous sommes persécutés, nous sommes ostracisés, je ne comprends pas, je ne sais pas, nous ne voulons juste qu'avoir un petit moment d'intimité entre nous, etc. Et là, on se rend compte qu'il y a un truc qui est en train de se mettre en place. Et donc, je m'inscris un petit peu en faux, c'est-à-dire que moi, je refuse la normalisation. Et surtout, la culture occidentale, c'est pas ça. C'est pas les gros loukoums habillés des pieds à la tête. S'ils ont envie de faire ça, ben, ils retournent en Algérie. Ils vont en Arabie Saoudite, hein, ils vont à Djebba là-bas ou je ne sais, et ils vont tremper leurs grosses fesses dans la flotte là-bas, mais qu'elles fassent pas ça en Europe. Moi, c'est mon sentiment, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, Non, mais, non, non, mais attends, comment moi aussi, ça me choque, bien sûr. Mais je veux dire, je ne suis pas spécialement étonné. C'est plutôt dans ce sens-là, ce que je voulais dire, où c'est anecdotique, c'est qu'en fait, c'est une conséquence logique de l'invasion migratoire et de l'islamisation de la France. Comme les Turcs louent le Zénith à Strasbourg, tout comme le Bourget est loué par l'UOIF, et là, pendant 2 jours, t'as la fête de l'islam là-bas. Ouais, c'est une conséquence logique d'une présence massive d'immigrés arrogants et conquérants. On est bien d'accord. Je suis choqué, mais comment, je suis pas spécialement étonné. On va dire, voilà, pour moi, il n'y a pas. Pour moi, c'est le processus logique de l'invasion. Il n'y a pas, mais évidemment, c'est bien sûr choquant. Mais voilà, pas de bougnoule, pas de nègre, pas d'islam et pas de centre aquatique où des Fatmas dégueulasses se baignent en burkini. Voilà. Non, non, Alors, je suis à... là-dessus, Il y a... justement, ouais, Attends, Captain, je te tu laisse voulais pas rebondir sur rebondir quelque chose sans que tu as souci. dit? Ouais, je voulais juste demander, ensuite, tu vas pouvoir dire ce que tu veux, pas de souci. Je voulais juste que quelqu'un rebondisse sur les propos de l'élu socialiste, c'est-à-dire de Patrick Mennucci, qui a vu dans ce truc-là une polémique anti-musulman. Est-ce que quelqu'un pourra me donner son sentiment? Islamo-gauchisme, c'est-à-dire une fois de plus, ils servent la soupe à l'envahisseur, ils renient tout leur cheval de bataille. Sur le féminisme, tout ça c'est à la poubelle, hein, le droit de la femme on s'en branle, les autres sont en burkini, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, Mais islamo-gauchisme. Mennucci est député, il sent les élections arriver, et à mon avis, le vote maghrébin et musulman doit être assez important dans sa circonscription. Donc je pense que Mennucci doit commencer à préparer les élections législatives, parce qu'après la claque que le Parti socialiste va se prendre au présidentiel, il est évident que voilà, ça va être sauf qui peut pour essayer de sauver un mois après sa place en tant que député. Donc à mon avis, il est déjà en campagne électorale auprès des bougnoules de Marseille. Ouais, alors en fait, ce que je voulais dire, ça rebondit sur tes propos, Gandalf, et sur ceux de Poporo, c'est que, bon, le féminisme, c'est de la merde. Le féminisme a tué l'Occident, ça a démoli les relations hommes-femmes, mais l'attitude de ces pseudo-féministes, en fait, qui sont plutôt antiracistes que féministes, ils nous démontrent, en fait, qu'il y a une hiérarchie parmi les victimes. Et les femmes blanches sont tout en bas de cette liste, en fait. Les premières, on va dire pas victimes, mais les personnes que l'on défendra d'abord, que ces gens la défendront d'abord, c'est d'abord, par exemple, les extra-européens. Et en particulier les femmes extra-européennes. Mais ils ne défendront pas les femmes extra-européennes si ça porte atteinte à la communauté extra-européenne, donc dans ce cas-là musulmane, en général. Donc par exemple, jamais ils ne vont défendre le droit des femmes si ça nuit à. Ça peut remettre en question la présence de ces gens-là en Europe. Et pour moi, il y a vraiment un truc qui est flagrant, c'est que par exemple, les Noirs sont tout en haut, ensuite il y a les Arabes, ensuite il y a les Asiatiques, et ensuite il y a les femmes blanches. Et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Il faudrait vraiment arriver à faire comprendre, même à ces. T'as oublié le juif. Oui, alors là, c'est bon, c'est tout en haut de la liste, mais Alors qu'on pète. voilà. Mais c'est. Moi, je trouve ça assez intéressant et je pense qu'on peut réveiller certaines personnes qui se disent républicaines, féministes, machin et compagnie, en leur faisant voir que, in fine, il y a quand même une hiérarchisation des pseudo-victimes et que les personnes que ces féministes sont censées défendre ne le font pas du tout, en fait. Aux États-Unis, on a quand même des féministes qui disent, c'est pas grave, si vous êtes blanche et que vous êtes violée par des noirs, eh bien écoutez, faut pas leur en vouloir et puis faut pas les envoyer en prison parce que les pauvres, ils ont souffert, la colonisation, vous comprenez? Oui, il y a, comment dire, il y a dans leur religion, parce que moi j'ai l'impression que finalement on peut résumer le gauchisme à une religion. Ensuite, il y a la tactique, quoi. C'est-à-dire que voilà, comment on respecte le dogme, comment on le traduit dans les faits. Et il y a toute une vision tactique, cynique des faits. Ou de la réalité, et il faut l'articuler. Alors, il y a des victimes qu'il faut occulter très très vite parce que ça ne conforte pas une certaine narration. Il y en a d'autres, au contraire, il faut les sortir de l'ombre et les monter en épingle, etc. Et effectivement, je crois que c'est même systématique. Ça n'est que ça. C'est-à-dire, c'est comment on va aborder le problème ou un problème ou une polémique en fonction de l'intérêt politique ou du profit politique qu'on peut en retirer. Et si c'est une femme blanche qui a été victime de son mari, bon, bah, pas de problème, on va l'exploiter. Enfin, c'est pas des sujets qui reviennent très souvent de nos jours, mais ça va venir. Mais si par exemple d'aventure il s'agit d'une femme africaine battue par son mari blanc, alors là, allons-y gaiement, et c'est parti, quoi. Ouais, Effectivement. c'est très marrant tout ça. Ils appellent ça le féminisme intersectionnel. Donc effectivement, en fait, ce qu'il faut juste rappeler, c'est que parler des féministes blanches, ont accepté le fait que la question raciale soit prioritaire à la question à la question sexuelle. Donc moi, je trouve que c'est une assez bonne nouvelle. Peut-être que parmi elles, enfin parmi les plus jeunes et les moins dépravées, peut-être que quelques-unes vont rejoindre nos bords. C'est une bonne nouvelle. Alors, il y a encore pire que comme victime déclassée, on va dire, que la femme blanche. Tu as la femme blanche d'extrême droite. Je rappelle l'anecdote, et c'est pas récent, c'était dans la fin des années 80, c'était à Marseille, il me semble, et une femme avait été massacrée à coups de couteau par un arabe qui l'avait cambriolée. Enfin, le truc n'avait aucun rapport politique, il l'avait massacrée à coups de couteau, et cet arabe avait été défendu par Maître Gilbert Collard. Qui avait dit que, en fait, cette dame était cadre du Front National et que donc, en fait, il y avait quelques petites circonstances atténuantes pour son client, étant donné que c'était quelqu'un qui prêchait la haine et qui, voilà, qui prêchait le comment. Ah oui, non, mais l'histoire est vraie, j'ai plus le nom de cette dame, donc voilà, c'était une militante, elle était peut-être même élue, il me semble, je ne sais plus exactement, on retrouvera l'histoire, ça doit être en 88 et donc, ou 86, et Maître Gilbert Collard avait demander des circonstances atténuantes pour son client par rapport aux engagements politiques de sa victime, qu'il avait lardé de coups de couteau comme un gros goré d'arabe haineux comme il se doit. Je présume qu'on aura l'occasion de reparler de ce genre de choses dans le futur. Bon, passons au troisième sujet, niveau autisme radical. Bon, bah, vous le suivez, hein. On arrive dans les Jeux Olympiques, du Brésil. Je sais pas pourquoi, mais l'endroit choisi ne me paraît pas le plus adéquat. Allez savoir pourquoi, c'est un pressentiment, je ne sais pas. Et alors, ça commence sur les chapeaux de roue. Je sais pas si vous avez vu ça. Là, je vais citer la presse, hein, comme ça, moi, c'est du bruit de décoffrage, mais les faits seront bien, bien établis. Alors, je cite, hein, le vice-consul de Russie à Rio de Janeiro a abattu jeudi un agresseur sur une grande avenue proche du parc olympique, a-t-on appris de sources policières à la veille du coup d'envoi des JO 2016. Là, citons donc les sources en question. Selon le département des homicides de Rio de Janeiro, le vice-consul de Russie a réagi à une attaque à main armée sur une grande avenue du quartier de Barra da Tijuca, où se trouve le parc et le village olympique de Rio 2016. Le vice-consul est entré dans une lutte corporelle avec son assaillant, et durant une lutte, l'arme de l'agresseur a effectué plusieurs tirs, dont l'un s'est avéré mortel pour le voleur, qui a succombé à ses blessures, a indiqué la police de Rio à l'AFP, confirmant des informations du site du quotidien populaire Extra. Alors, il y a plusieurs choses à dire, mais d'abord, la qualité du corps diplomatique russe a l'air un petit peu au-dessus du niveau de la France. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne pense pas que le vice-consul ait une formation d'énarque, tu vois, à la Florian Philippot, à mon avis. Il doit avoir une formation un peu plus poussée d'un point de vue militaire, j'imagine. Enfin, c'est vrai que c'est impressionnant. Ça nous fait drôle, vu les fonctionnaires qu'on a en France, ça nous fait drôle de voir ça. Ah oui, lui, il a visiblement, physiquement, il a arrêté le truc, il a retourné l'arme contre le mec, il l'a flingué, hein. Ah oui. Alors, on peut se poser la question, parce que moi, sans être complotiste, mais il y a quand même depuis plusieurs années, et avec l'histoire de l'UEFA et du foot, et récemment avec l'histoire, il y a eu le tennis aussi, rappelez-vous, le tennis, Sharapova, qu'on a accusé de dopage, et ces dernières semaines, des accusations du même ordre contre la délégation russe en essayant de vouloir leur interdire les JO. On sent qu'il y a une pression qui s'exerce en dehors du domaine politique, mais sur le domaine sportif. C'est une vieille histoire, hein, parce que dans les rapports entre l'Union soviétique et les États-Unis, ça s'est déjà déroulé. On sent qu'on essaye d'envoyer un message aux Russes en disant « Attention, on peut vous sortir du jeu, on peut vous sortir de l'arène internationale où nous sommes les maîtres. » Et alors, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit « Et si quelqu'un avait cherché à flinguer un diplomate russe qui avait été un peu trop efficace ?» à Rio en préparant les Jeux Olympiques. Je sais pas ce que vous en pensez. Théorie du complot, je sais pas, il n'y a pas d'éléments pour l'instant. Mais vous avez suivi toute cette campagne de haine contre la Russie, je veux dire que ce soit au niveau du football avec l'UEFA, bien sûr, ou que ce soit récemment avec Sharapova, etc., ou encore plus avec la délégation. Moi, je veux bien qu'on se dise « Oui, c'est pour l'amour du sport et tout. » Moi, je pense que c'est un peu téléguidé quand même. Enfin... On en avait déjà parlé. C'est évident qu'il y a une campagne de répression de la Russie à travers le sport. Enfin, c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Là-dessus, c'est clair. Ouais. À défaut de pouvoir isoler la Russie de façon militaire et politique, voilà, il y a une campagne de propagande qui vise à isoler la Russie sur d'autres plans, des plans qui ont plus d'importance aux yeux de l'homme moyen, de l'homme de la rue. Je crois également que c'est assez facile dans le sport, dans le sport de haut niveau, le sport professionnel, où je pense la quasi-totalité des athlètes dans tout sport confondu sont dopés. Donc à partir du moment où on veut faire tomber le couperet sur certains, c'est très facile. Donc là, ils s'en prennent aux athlètes russes comme ils pourraient s'en prendre à n'importe quel autre athlète, dans le sens où le dopage est tellement généralisé dans tous les sports que si on veut en faire tomber quelques-uns, c'est pas compliqué. Il y a aussi le boxeur anglais Tyson Fury, le boxeur manouche anglais, là, qui avait fait des déclarations assez politiquement incorrectes sur les pédés et sur les juifs. Comme par hasard, il a été contrôlé, positif avec des produits dopants. Voilà, donc je pense que c'est une possibilité, mais c'est un couperet qui peut tomber sur chaque sportif de haut niveau, dans le sens où, c'est pas avec des steaks et du jus d'orange qu'ils arrivent à obtenir leur performance. Mais comment dire, oui, ça c'est certain. Alors, j'ai lu des trucs, parce que bon, on est quand même, on va rentrer dans les JO, c'est pas le sujet vraiment du truc, mais on peut comme ça, vite très très très brièvement l'aborder, on aura peut-être l'occasion d'y revenir la semaine prochaine ou dans les semaines suivantes. On a des Jeux Olympiques qui sont effectivement un événement mondial, et plus ça va aller, plus ça va être priorité, je veux dire, au show, quoi. Mais on est au milieu des favelas, hein, où il y a un lupen prolétariat racial surarmé, complètement défoncé jusqu'aux yeux, qui n'a qu'une envie, c'est de se payer du touriste. Là, c'est l'occasion. Ils ont déployé des moyens militaires. Vous savez, c'est marrant, il y a une lecture raciale à faire des faits, quoi. Ils ont déployé des moyens militaires absolument hallucinants. Ils ont nettoyé des bidonvilles aux alentours des lieux où vont se dérouler les événements pour que il n'y ait pas d'anicroche. J'ai même lu, et là, c'est pas lié à des problèmes, j'allais dire, sociaux ou ethniques. C'est, même au plan écologique, ils ont dit que si un certain, je sais pas ce que c'était exactement les épreuves, je crois que c'était genre de la rame ou de la natation, je crois pas que c'est de la natation, mais quelque chose de proche, ils allaient se retrouver dans des eaux qui étaient remplies d'excréments humains, de fait, quoi. Il faut voir le film Troupe d'élite qui explique comment, il est très très bien ce film-là d'ailleurs, et qui explique comment les commandos de la mort brésilien, donc aux ordres de l'État, on nettoyait police, le favela, hein, avant l'avenue de Jean-Paul II. Et là, ils expliquent vraiment la façon dont ils nettoient tout le merdier. En fait, ils essaient de contenir le merdier en faisant, voilà, en faisant quelques massacres, en descendant par centaines, hein. Je crois, quand ils vont là-dedans, là, au moment juste avant l'avenue de Jean-Paul II, ça avait été un sacré massacre, en fait, pour qu'ils se tiennent à peu près à carreau. Mais voilà, ils sont en état de guerre civile à peu près permanente. Même s'ils arrivent à contenir aussi avec la corruption, parce qu'il faut savoir qu'il y a une corruption énorme là-bas, et donc ils essaient d'éviter, quand il y a des gros événements comme ça, pareil pour la Coupe du Monde au Brésil, il n'y avait pas eu trop d'agressions, ce genre de choses, parce qu'ils essaient de contenir, en fait, toute la pègre locale. Ça, c'est le paradis d'une société multiculturelle, festive et métissée. C'est la guerre civile permanente. Oui, en plus, il y a une militarisation de la police, parce que quand vous voyez les... Enfin, ils appellent ça la police, mais c'est pas la police, c'est l'armée. Hein. Ça s'appelle la police, mais c'est l'armée. Et effectivement, ce dont tu parles, le film effectivement en question, Troupe d'élite, je le recommande aussi, qui est un film assez nuancé, hein, c'est intéressant. Mais quand ils font les, il y a des images d'archives là-dessus, quand ils font des descentes dans les favelas, c'est ils envoient les blindés. Hein. C'est-à-dire que même si nous on commence à goûter un peu les saveurs de l'Orient dans les banlieues de l'Hexagone, on est encore assez éloigné de ce qui se passe dans ces bleds-là. Et d'ailleurs, le Brésil tient, je crois, un des records mondiaux avec l'Afrique du Sud, un autre paradis multiracial, du nombre d'homicides par habitant. Hein. On parle de dizaines de milliers de personnes qui sont assassinées chaque année. Tout ça sur fond de, effectivement, de. On parle de criminalité, mais en réalité, il s'agit d'affrontements ethniques et territoriaux au sein de ces pays-là, quoi. Quelqu'un veut rester... Brésil est régulièrement présenté comme une réussite multiraciale, régulièrement dans la presse française, enfin dans l'intelligentsia française, on nous présente le Brésil comme une réussite totale du mélange culturel et racial. Oui. C'est absolument vrai. J'ai même l'impression que ça tient un petit peu lieu de canon de beauté de la société idéale, dans l'état d'esprit de l'intelligentsia française. C'est vers quoi veut-on aller? Ben, naturellement, il répondrait vers le Brésil, hein, voilà, du métis, du nègre, du machin. Alors qu'en fait, c'est une société ultra raciste, ce que personne ne dit. C'est une société ultra catégorisée racialement. Il y a, je crois... Enfin, je sais plus combien, mais il y a un nombre impressionnant de catégories raciales. Et le pire, ou le meilleur, c'est que ce sont les gens qui s'assignent eux-mêmes une catégorie raciale. Et du plus sombre au plus clair. Ce qu'on retrouve d'ailleurs en Martinique ou en Guadeloupe, d'ailleurs, ce sont des Brésils microscopiques. Oui, et ils s'assignent eux-mêmes une catégorie raciale. Ce qui montre d'ailleurs l'inanité des théories comme quoi on peut dépasser, enfin, les sociétés post-raciales, ça c'est une énorme fiction. Et ce sont des sociétés ultra violente. Et ils se hiérarchisent en fonction de la blancheur de la peau, oui. Les plus blancs étant évidemment les plus séduisants. Oui. Oui, et même par les noirs. C'est-à-dire que les noirs métis, c'est ça, plus même si t'es un métis, plus t'es clair, plus tu te considères comme meilleur. Et alors évidemment, moi, j'entends les gros sabots, j'entends déjà les gauchistes arriver. Oui, mais c'est parce qu'on leur impose des quatre cultures. Non, c'est de même, théorise une hiérarchisation de cet ordre. Et bon, voilà. Alors, je pense que, enfin, je ne sais pas, mais on va voir ce que vont donner ces Jeux Olympiques. Il y a eu aussi des menaces islamistes. Hein. Ils ont démantelé des cellules djihadistes qui s'apprêtaient à frapper comment dirais-je, les athlètes. Bon, on va voir ce que ils ça va donner. Ils ont des musulmans là-bas. Un truc naissant. Et allez savoir pourquoi ils ont trouvé un équivalent au Venezuela. C'est-à-dire qu'au Venezuela, c'est le gouvernement chaviste, hein, le socialisme avancé de la révolution bolivarienne, qui a appelé à créer ex nihilo une communauté musulmane parce que c'est un péché contre les théories de la révolution de ne pas avoir de communauté musulmane sur son propre sol. Allez savoir pourquoi. Donc voilà, au Venezuela, vous n'avez pas de PQ, mais vous avez des musulmans bientôt. Bon, alors, transition musicale et ensuite on passe à la deuxième partie de l'émission. Faudrait les intégrer, leur filer des sous. Ces milliards d'immigrés qui rentrent chez nous. C'est sympa mais des blancs, on en sera combien? Quand on sera musulman en l'an 2020, on aura le nez busqué. On voilera nos femmes. On ira aux mosquées écouter l'imam. On vivra plus purement, on boira plus de vin. Quand on sera musulman en l'an 2020. Moi je mettrai pas de turban, je me cacherai bien. Quand on sera musulman en l'an 2020. Petit Abdel, tu viens d'arriver dans ce pays. La vie est plus belle, tu es ici pour faire tes premiers pas. Petit Abdel, décrocher un emploi et tout le bordel. On sait c'est dur pour toi, petit Abdel. Mais ne te décourage pas. Et on jettera des pierres sur les infidèles. On n'aura plus de bière, plus de mortadelle. On aura le Coran pour nous dire ce qu'est bien. Quand on sera musulman en l'an 2020. Moi je serai un croyant, tu n'en sauras rien. Quand on sera musulman en l'an 2020. Petit Mouloud, tu veux tout faire comme t'en as envie. Sinon tu boudes dans ta tessie, c'est toi qui fais la loi. Petit Mouloud, va donc voir les gauchistes, ils t'écouteront nous traiter de racistes. Petit Mouloud, un jour tu seras le roi. On se fera des casbahs, des bars en béton. Avec nos djellabas, nos barbes au menton. aura plus de mécréants et plus de chrétiens. Quand on sera musulman en l'an 2020, faudrait les intégrer, leur fumer des sous. Ces milliards d'immigrés qui rentrent chez nous, c'est sympa mais des plans, on en sera combien? Quand on sera musulman en l'an 2020, et ce sera la Oumma de Brest à Dijon, on fera comme Oussama, on prendra l'avion et on cassera les dents aux Américains. Quand on sera musulman en l'an 2020, et on jettera des pierres sur les infidèles, on n'aura plus de bière, plus de mortadelle, on aura le Coran pour nous dire ce qui est bien. Quand on sera musulman en l'an 2020. Nous revoici donc pour la deuxième partie de cette émission de démocratie participative et rubrique intéressante s'il en est, les gauchias de la semaine. Et là, j'ai du matériel pour vous, chers amis, et on va commencer tout de suite avec la braderie de Lille, interdite sous la menace des coups de boutoir de l'État islamique, en tout cas ceux qu'on lui prête, et Martine Aubry qui, à mon sens, peut-être que je lui accorde trop de crédit, mais à mon avis, c'est quand même pas quelqu'un d'anodin, mérite haut la main la palme de la gauchiasse de la semaine. Alors, comme vous l'avez vu, la braderie de Lille, c'est un événement énorme. S'il y a des gens du Nord, là, c'est absolument colossal. Je crois que ça attire environ 2 millions de visiteurs. C'est la plus grande braderie d'Europe. C'est quelque chose d'absolument considérable. Elle existe depuis le 12e siècle. Un événement médiéval, alors. Eh oui. D'accord, bon, on va y revenir dans les détails. Mais c'est intéressant, ça. C'est sympa de revenir là-dessus. Et c'est un des événements qui est interdit en série en France en ce moment, avec des feux d'artifice, etc., suite aux menaces qui pèseraient sur la sécurité. Alors, d'abord sur la braderie, revenons, j'allais dire, prosaïquement sur cette interdiction. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, s'il y a des gens qui veulent parler de la braderie en question, d'où ça vient, allez-y les gars, c'est pour vous. Bah, perso, moi ça me fait un peu rire, parce que je me souviens d'une époque pas si lointaine, où les Charlie nous disaient « Surtout, il ne faut pas changer nos habitudes. Ça serait donner de la victoire aux terroristes. » Et bien évidemment, la réalité reprend ses droits. Les attaques en série imposent quand même certaines précautions. Et effectivement, on annule en série des événements parce qu'on n'est pas capable de les protéger. Bah, parce que oui. La liste des événements annulés, c'est impressionnant là. J'ai une liste, je ne sais même pas si elle est complète, tellement il y en a. Il y a, je sais pas, 15 feux d'artifice qui ont été annulés, des braderies, des vide-greniers, tournoi de basket, le concert de Rihanna, l'Xboat Festival, enfin c'est incroyable, il y en a des dizaines et des dizaines, ça n'arrête plus. Alors en fait, c'est marrant parce que souvent quand je discute avec des gauchistes, ils me disent « Mais de quoi t'as peur? La culture française, la culture européenne, elle sera toujours là. C'est pas parce qu'il y a un peu d'immigration que ça va changer quoi que ce soit. » Et en fait, on voit qu'on a quoi? On a environ 15 millions de musulmans en France. Donc c'est sur 65 millions, c'est pas tant que ça. Et pourtant, déjà avec 15 millions de musulmans en France, eh bien on voit que la culture du pays change et que des événements qui existent depuis le Moyen-Âge, depuis le XIIe siècle, des choses qui sont véritablement identitaires, c'est vraiment notre passé, notre histoire, notre âme, quoi. Eh bien, on est obligé de les annuler. Voilà. Au-delà de ça, je crois que c'est tout à fait symptomatique, en fait, aussi de la façon dont est gérée la France, l'administration, la bureaucratie française, où au moindre risque, on ouvre le parapluie pour ne pas avoir de responsabilité. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, personne ne va avoir la responsabilité après les accusations qui ont été faites à Nice, comme quoi la promenade était mal protégée et tout ce qui s'ensuit. En fait, l'ensemble de cette France bureaucratique les politiciens s'en couignent et quoi que ce soit, ne veut surtout pas être accusé et risquer de voir sa carrière politique foutue, de voir lors de l'organisation d'un événement ou d'une fête quelconque dans sa commune ou dans sa circonscription territoriale de rattachement, de voir laisser une fête et qu'il y ait un attentat là-bas. Donc je crois que c'est tout à fait symptomatique de ces gens, ces petits fonctionnaires, ces petites politiques qui ne voient pas plus loin, qui ne veulent surtout pas même voir leur responsabilité en jeu et qui sont prêts à tout annuler. Donc à mon avis, en plus, ça va entraîner une sorte de psychose qui va ça va être en cascade. Ça veut dire que le moindre petit maire va se dire « Ah bah oui, mais attention !» S'ils attaquent la fête de mon village, on va avoir des trucs totalement improbables qui vont être annulés, des feux d'artifice, ce genre de trucs, et même à des échelons très locales. Il faut savoir, là j'étais en vacances récemment, et c'était McDonald's qui organisait des séances pour découvrir les sports, qui organisait des séances de différents sports que les gamins pouvaient utiliser, ça a été annulé. C'est-à-dire qu'en fait, McDonald's s'est dit, oulala, donc ça devait être partout en France le même jour, et ça a été annulé, parce qu'ils se sont dit, oulala, s'il y avait un attentat commercialement, ce serait pas bon, un attentat lors de ce genre de rassemblement. Donc à mon avis, les hommes politiques français sont pareils. Donc on va arriver au stade où on va même fermer les cinémas. Les musulmans ont gagné, on fermera tout, on fermera. Ça peut vite dégénérer en l'impossibilité totale de participer à la moindre fête où que ce soit. Ouais, ça c'est. En fait, c'est un... je pense qu'on peut assigner ça à une forme de trouillomètre, tu vois, des mecs les plus courageux. Donc c'est des types. Non, mais c'est très bien observé, franchement, c'est très bien observé. Ça permet de mesurer le degré de lâcheté ambiant. En sachant que les types en fait sont en train, comme tu l'as très bien dit, d'essayer de se tirer les pattes en se disant putain, si jamais il se passe un truc, moi je veux surtout pas prendre un blâme, etc. C'est absolument juste, quoi. C'est très révélateur. Mais, et vous l'aurez remarqué probablement, il n'y a pas, enfin je ne l'ai pas vu. Peut-être que ça nécessiterait un peu plus de recul, mais j'ai pas vu de gens dire. Là, c'est marrant, plus il y a d'immigrés, plus il y a de violence, plus il y a de violence, plus éventuellement notre mode de vie est remis en jeu. Et peut-être que les événements qu'on tenait pacifiquement, dans la bonhomie, etc., depuis des siècles, parce que là, effectivement, comme l'a bien dit Captain, on parle de 8 siècles de tradition, je crois, quelqu'un l'a dit d'ailleurs, enfin, moi je l'ai lu ça, que cet événement n'a été suspendu qu'une fois au 20e siècle, c'est durant l'occupation. À vérifier, hein, mais voilà. Donc, on retourne dans une situation où soudainement l'immigration devient, de fait, une occupation, ce qu'elle est. Personne n'en parle, personne ne le dit. Personne, j'allais dire, ne dit que le roi est nu, et on fait les choses sans les faire, quoi. Parce qu'en fait, celui qui fait ce constat-là, il va se faire taxer de raciste, de nazi, de facho. Et les gens sont véritablement terrifiés par le fait d'être qualifié comme ça, quoi, parce que t'as l'exclusion sociale, tu peux avoir les procès, y a tous les nationalistes. Bon, il y a ça, mais je t'arrête, mais quand même, c'est vrai ce que tu dis, hein, bien sûr, sur les conclusions, quoi, ça c'est un fait, mais la peur numéro un dans cette affaire-là, c'est vraiment, comme l'a dit Ariel, c'est oulala, faut pas que j'effraie les gens, faut pas que je me fasse, faut pas que je me retrouve éventuellement traîné en justice par des familles de victimes, etc. Parce que voilà. Et là, on voit le courage ambiant, tu vois. Ça me rappelle un peu le chef Chaudard dans la 7e compagnie. Je veux dire, on n'a pas des foudres de guerre en face de nous, là, visiblement. Hein. Tu vois, alors les valeurs de la République dont on nous ressasse les oreilles, enfin, on nous rabat les oreilles constamment. Bon. C'est gentil, c'est bien pour la parade, mais visiblement, quand il s'agit de les défendre, les armes à la main, il y a un petit peu moins de monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Et c'est aussi comme ça qu'on perd la guerre culturelle, c'est-à-dire que nous, d'un côté, on ferme nos événements traditionnels, de l'autre, on ouvre des piscines au burkini, quoi. Voilà, Mais et on supprime le cochon dans les cantines. oui, c'est vrai, absolument. Alors, les et populations vas-y. halogènes, enfin tout ce qui est bougnoules et nègres, ont quand même un gros problème avec l'esprit paillard européen, qui est aussi bien celte que médiéval que romain. Ils ne peuvent pas s'amuser en groupe, c'est impossible. Et c'est pas pour rien que dans leur culture et dans leur règlement islamique, ils sont obligés de serrer la bride aux populations, parce qu'à chaque fois, ça part en vrille. Et je suis même pas persuadé qu'il y ait besoin d'islam pour ça. Il suffit de voir le comportement des Maghrébins lorsqu'ils sont alcoolisés. Ils ne savent pas se tenir. Absolument, ouais, là c'est un vrai gros point. Très bien observé. C'est pas Ouais. beau un arabe qui boit. C'est pas beau et c'est violent. C'est pas beau et c'est violent. Alors, Ah, héroïne. même sobre, c'est violent. Ouais, non, mais ça, c'est. Non, mais bourré en meute, quoi, ils sont insupportables. Ah oui, ils tiennent pas Ils. l'alcool, ils tiennent pas l'alcool. Non, en plus, puis ils obstruent le passage volontairement. Enfin, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Martine Aubry, héroïne hein, de cette fantastique geste, parce que concrètement, on parle d'un événement, 2 millions de visiteurs. C'est colossal. Hein. On est quelques semaines après les attentats de Nice. Pour l'image de la France en général, catastrophique, je crois qu'on peut le dire. En termes économiques de retombées locales, là aussi, on a quelque chose à dire. On n'est pas très très loin de Calais avec ce monde merveilleux des migrants vers l'humanité future, etc. Hein, voilà. Et Martine Aubry, bon, elle a quand même, je veux dire, elle récolte un petit peu ce qu'elle a semé, entre autres amis. Parce que bon, alors, faut quand même savoir, je crois, alors quelqu'un me corrigera, mais elle est en ménage avec un bouilloul, je crois. En même Hein, temps, je me sa demande gueule, si je sais ça pas relève qui pas du fantasme. J'ai jamais eu confirmation de l'info. elle, elle est. Il me semble que c'est un avocat converti à l'islam, mais j'en suis pas sûr du tout. L'info, elle est peut-être un peu verrouillée. Bon, écoute, très bien. Alors, c'est une femme, en tout cas, ça on peut le dire avec certitude, c'est une femme qui a soutenu. C'est une C'est-à-dire, femme, c'est un c'est une peu. femme. Ouais. Ouais. Oula, n'allons pas C'est trop vite en besogne. comment dire, c'est un petit peu notre Hillary Clinton à nous. Hein. J'ai un peu envie de dire, on a un petit peu un équivalent. Aussi bandante, oui. Je voudrais rappeler cette phrase fameuse de Martine Aubry. 35% de Maghrébins, eh ben c'est génial. Moi, je m'emmerde dans des villes où on est tous pareils. Voilà. Donc, Oui, c'est ça. le C'est ton en est fait, elle donné, dit, quoi. effectivement qu'il y a là, il y a des gens qui se plaignent de l'image de l'île et tout, qui est rongée par une immigration du tiers-monde, essentiellement d'ailleurs maghrébine, africaine et musulmane. Et elle dit, mais non, mais c'est d'ailleurs ça se passe au congrès du Parti socialiste en 2006, donc c'est à 10 ans quand même cette affaire. Et elle est là, mais moi je trouve ça génial, c'est super. En plus, on sent que c'est de la démago, en fait, c'est de la démago à plein tube. Mais c'est super, c'est excellent, on a 35% de maghrébins, mais qu'est-ce que vous demandez de plus et tout? Ben, on en demande de plus 50% de maghrébins peut-être. À mon avis, à Lille, on doit y être. Puis on n'est pas loin de Roubaix, où là, la majorité désormais est musulmane. Et puis aussi, on parle d'une Martine Aubry, qui est cul et chemise avec l'UOIF, les frères musulmans. On a Amar Lasfar, qui est le chef de l'UOIF en France. UOIF, donc vitrine des frères musulmans liés au Qatar, liés au Hamas palestinien, liés à l'AKP turque. Hein, on voit que Erdogan en ce moment est très. Il est à fond pour la démocratie en ce moment, hein, Erdogan, on le sent. Hein. Et ça, c'est Martine Aubry qui vient faire des apparitions durant les congrès du UOIF et qui explique que c'est formidable, le multiculturalisme, etc. On a quand même quelqu'un qui a à son compteur, voilà, hein, elle a quand même, elle a fait ses preuves hein, niveau multiculturalisme et immigration. Et quelque part, est-ce qu'elle récolte pas un petit peu les fruits qu'elle a semés, quoi hein? Et ce genre de déclaration anti-blanche, c'est assez commun en fait. Il y a beaucoup de politiciens qui supportent pas de vivre avec des gens qui leur ressemblent. Genre, il y avait Mélenchon qui avait dit je ne supporte pas de vivre lorsqu'il n'y a que des blancs aux yeux bleus, c'est au-dessus de mes forces. Il y avait Sarkozy qui avait dit que le peuple français était un peuple de consanguins et qu'il fallait réussir le défi du métissage. C'est assez commun. Et Oui, je sais. dans la réalité, ils ne vivent pas avec les gens qui veulent imposer aux Français. C'est qu'en fait, en réalité, ils vivent dans un monde complètement protégé, embourgeoisé, voilà, où il n'y a pas cette diversité qu'ils veulent tant imposer aux autres. Personne ne fera croire que ces gens-là vivent au contact de Maghrébins, d'Africains, comme ils veulent le faire vivre à l'ensemble des Français. Et en plus, ce qui est tout à fait édifiant, c'est que tous ces gens-là, toutes ces bonnes consciences, mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a absolument pas de diversité, dans des écoles privées où il n'y a pas de diversité. École catholique. Alors, on a Derek qui nous rejoint. C'est un peu ironique de nous traiter de consanguins quand on sait qu'ils font venir des Algériens qui enculent leur cousine depuis je ne sais pas combien de siècles. On a Derek qui nous rejoint dans l'émission, là. Salut Derek, ça va ? Salut ! Formidable, tu vas pouvoir nous rejoindre sur les sujets qui viennent. Ouais, effectivement, Martine Aubry, bon. Hein. Mais bon, quand même, voilà, là, j'ai l'impression que c'est le coup du boomerang. Hein. Par contre, juste sur ce que tu disais, Argyle, il y a un exemple qui, pour le coup, doit être rappelé, c'est que Mélenchon, lui, il vit volontairement au milieu des bambous là, je sais plus dans quel arrondissement, mais lui, c'est un choix. Il veut vivre au milieu des nègres et des bougnoules. Hein. C'est quelqu'un qui ne peut, comme il l'a dit, c'est-à-dire qu'au milieu des blonds aux yeux bleus, je suffoque. Il n'y a plus d'oxygène, quoi. Il crève, quoi. Hein. Bien, lui, je propose que tous ces gens-là qui veulent vivre au milieu de noirs, de maghrébins, d'asiatiques, de ce que vous voulez, qu'on leur paye un aller simple pour ces pays-là. Il y a des gens, il y a des indigènes de ces pays qui se plaignent tout le temps du fait que depuis que les blancs sont partis, leur pays part à volo. Eh bien, faisons l'échange. Vous récupérez vos noirs, vous prenez nos blancs qui nous cassent les burnes et qui veulent vivre avec vous, et tout le monde est content. Comme ça, vous avez accès à notre technologie. Au tout pire, ça va faire un casse-croûte. Comment ? Toi aussi, ouais. Bon, on va passer, comment dirais-je, dans notre rubrique gauchias de la semaine. Alors là, fabuleux, extraordinaire. Céline Gueren. Ah, vous la connaissez pas, forcément, parce que c'est une Allemande. Enfin, j'ai regardé sa photo, entre nous soit dit, je suis pas sûr de ses origines. Hein. Alors, c'est une Allemande qui a fait la une depuis plusieurs semaines, en Allemagne et même en France, parce que c'est une gauchiste allemande qui s'est faite violer par des migrants. Hein. Elle s'est faite violer par des migrants. Et alors, pourquoi ça fait la une ? C'est parce qu'en fait, au début de son histoire, quand elle s'est faite agresser par des bronzés, je crois turcs ou kurdes, ils ne savent pas trop, parce que c'est un petit peu difficile. Là, je pense qu'il faut peut-être un doctorat en ethnologie d'Asie mineure pour essayer de comprendre qui est quoi. Elle s'est fait violer par une bande de bronzés et elle n'a pas tout de suite avoué qu'il s'agissait de migrants. Elle a dit « je me suis fait violer par des Allemands ». Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas envie de créer des amalgames, comme elle l'a dit elle-même, et donc elle a caché la vérité. Le lendemain, prise de remords, elle est retournée au poste de police, et elle avouait, elle s'est dit « mais ouais, mais est-ce que si je dis vraiment la vérité, est-ce que ça va pas se retourner contre les migrants ?» Bingo, évidemment, c'est ce qui s'est passé. Et depuis, elle est en dépression profonde, etc., parce que loin de remettre en cause ses convictions, de se dire que peut-être il y a un problème avec les migrants, peut-être il y a un problème de son point de vue avec son idéologie profonde. Non, pas du tout. Elle continue, elle s'acharne et elle a monté un groupe pour valoriser l'image des migrants et dénoncer donc l'activité de l'extrême droite. Formidable. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire, de cette gauchiste allemande violée par des migrants qui occulte ce qu'elle a subi pour éviter les amalgames. Alors, moi, j'en ai entendu parler, je crois que c'était il y a 2 semaines déjà, ou quelque chose comme ça. Et effectivement, comme tu l'as dit, son nom de famille et son prénom ne font pas super allemand. Et quand on voit sa tronche, on peut se poser des questions. Et ça confirme juste ce que je disais tout à l'heure par rapport aux féministes aux États-Unis qui disent qu'il ne faut pas accuser les Noirs lorsqu'ils commettent des crimes parce que les pauvres, ou même dans les pays nordiques où il y a eu des féministes qui ont déployé des banderoles sur lesquelles était marqué « nous préférons nous faire violer par des migrants plutôt que des hommes blancs viennent nous aider ». Pour ces gens-là, il y a véritablement une hiérarchie de la souffrance, en fait. Et elle, en tant que femme occidentale, elle passe véritablement derrière tout ça. Et surtout, même confrontée à la réalité, quoi, c'est-à-dire que confrontée à la violence des gens qu'elle prétend être des anges, tous docteurs en physique nucléaire, ben on voit que leur idéologie, leur religion, quoi, passe avant tout et qu'elles ont véritablement du mal à accepter les faits, quoi. Idéologie, religion ou pathologie mentale, parce que là, ça commence à être grave quand même. Hein. Alors vous m'excuserez, mais j'ai beaucoup de mal à avoir une once de compassion pour cette grosse truie qui, en fait, meurt par là où elle a péché. Bon, elle est pas morte, mais bon, voilà, va-t-on pleurer pour cette grosse truie dégueulasse qui s'est fait sauter par ses petits protégés? Moi, je pense qu'elle a eu ce qu'elle méritait, et j'irai même plus loin, peut-être même parce que ce qu'elle recherchait, possible, peut-être elle ne voulait pas de manière aussi violente, mais en gros, se faire remplir de foutre par des nègres, ça devait être quand même l'un de ses objectifs, on va dire, politiques et philosophiques. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que ce sont des exemples comme ça qui nous permettent à nous autres, nous qui nous opposons à cette déferlante migratoire, en fait, de prouver à ceux qui se posent encore des questions que justement les gens qui défendent tout ce que nous nommons comme mauvais sont véritablement des malades. Oui, attention, parce que là, il s'agit d'un cadre politique. Je veux dire, c'est pas la petite oie blanche qui avait son truc Refugee Welcome à 16 ans et qui allait accueillir. Voilà, ce qui est complètement manipulé. Non, là, c'est véritablement celle qui manipule les autres. Donc, franchement, qu'elle se fasse trombiner par je ne sais quel nègre atteint de virus Ebola ou quoi qu'il s'en suit. Franchement, c'est bien, c'est la justice immanente, la justice divine, c'est bien. Ils auraient même dû la cramer, la bouffer, ça aurait été parfait. Et t'imagines, c'est formidable, baiser, bouffer, digérer et chier par des nègres, elle aura atteint son but absolu. D'ailleurs, les fémènes, qui ont toute l'attention des médias français, avaient appelé il y a 2 ans déjà les Françaises à sucer, se faire lécher, branler, doigter, pomper. Niquer autant d'étrangers qu'elles le peuvent. Donc, effectivement, faut pas se plaindre. Qu'on peut noter aussi, donc je crois qu'elle s'est faite violer, elle a dit que c'était les Allemands d'abord, et c'est le lendemain, finalement, prise de remords. Voilà. Et bon, finalement, peut-être qu'il y a d'autres gonzesses qui veulent se faire violer aussi, donc ça serait peut-être bien d'arrêter de raconter des conneries. Mais le gauchisme confronté au réel, ça dure 24 heures. Quoi. Au bout de 24 heures, il n'y a plus personne. Ah si, parce que malheureusement, c'est que ça dure 24 heures, mais après, il y a un retour de flammes. Elles ont des vapeurs et ensuite, elles reviennent comme le chien à ses vomissures. Et voilà, c'est pour un tour. C'est la schizophrénie. Quoi. Ben, on en a parlé dans les émissions précédentes. Hein. D'un côté les migrants, tout ce qui est étranger c'est génial, de l'autre le féminisme, le droit de l'homisme et compagnie, enfin, surtout le féminisme libertaire, et ouais, et là chez cette pourriture dégueulasse là, vraiment c'est tordure, hein. la gueule de l'emploi, quoi, hein. Limite elle devrait presque être reconnaissante, vous savez. Ouais, franchement, moi j'ai interdit de porter plainte. Elle mérite. C'était la minute féministe de. Ouais, je vais enfoncer. Ah ben on est des féministes militants, mais pas à la même sauce, quoi. Un petit peu différent, quoi. Et je veux dire, elle a aucune compassion. Elle ne mérite aucune compassion, c'est clair. Et puis comme disait Argyle, si ça se trouve, c'est ce qu'elle voulait. Hein. Il faut savoir quand même que le fantasme numéro un chez les femmes, c'est le viol. Donc je crois qu'il faut pas chercher plus loin. J'apprends un truc là. Bon, on en reparlera. Vous en faites pas. Les femmes, c'est un sujet. Alors, là, c'est un sujet, je sens que ça va intéresser certaines personnes. C'est un petit peu le sujet polémique politique de la semaine. Tout est polémique dans ce qu'on dit, mais alors là, pour le coup, ça fait. Je pense qu'il va y avoir de la mousse. Hein. Alors, c'est relatif à toute cette actualité qu'on connaît. Et c'est Florian Philippot. Donc, Florian Philippot, qui est, je crois, le vice-président du Front National. Hein. Je crois qu'au plan statutaire, c'est ça sa position. C'est quelqu'un qui est connu comme étant un peu le spin doctor de Marine Le Pen. Hein. C'est un petit peu celui qui dirige la communication de Marine Le Pen, qui la conseille, qui lui donne les orientations stratégiques. C'est quelqu'un qui, je pense que faut être honnête, quoi. C'est pas quelqu'un qui manque de talent sur certains points. Je pense qu'il est assez, il sait communiquer, il sait donner ses points de vue. Il manage assez bien les médias. Mais c'est aussi quelqu'un qui a des convictions profondes. Pas de jeu de mots ici, hein. Plus tard les jeux de mots. Et c'est quelqu'un qui tranche complètement avec le ton historique du Front National. Le Front National était historiquement le parti, j'allais dire, de ceux qui alertent, de ceux qui appellent à la vigilance face aux dangers de l'islamisme. Et visiblement, ça change, ça évolue. Et Florian Philippot est celui qui encourage à ce changement, Et à l'occasion des nombreuses attaques ou attentats qui ont eu lieu en France, il lui a été donné l'occasion de s'exprimer au nom du Front National. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la chose suivante, je le cite pratiquement dans le texte, hein, il ne faut pas faire d'amalgame entre les islamistes et nos compatriotes musulmans. Donc d'après lui et d'après le Front National sous son influence, le problème central en France aujourd'hui serait l'islamisme compris comme étant un phénomène marginal, tenu par une petite minorité de musulmans, musulmans qui par ailleurs dans leur immense majorité sont des compatriotes et des patriotes. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus ? Bah, je crois que le Front National de Marine Le Pen et de Florian Philippot ont acté la présence de peu ou prou 15 millions d'afro-maghrébins musulmans en France. Donc en fait, ils agissent comme des directeurs marketing d'un supermarché, c'est-à-dire qu'il y a une clientèle arabo-musulmane, c'est-à-dire des voix à prendre, enfin qui pensent, qu'ils imaginent prendre, pouvoir acquérir. Donc, ils tiennent à rassurer une certaine partie de la clientèle, enfin, une hypothétique illusoire clientèle, puisqu'on a bien vu que de toute façon, les afro-maghrébins, en particulier les musulmans, avaient voté à 93% pour Hollande. En fait, ils vont voter là où ils auront la plus grosse gamelle. Donc voilà, ils ont acté ça, ils ne sont pas du tout... C'est d'ailleurs Marine Le Pen qui a dit elle-même que les partisans de la théorie du grand remplacement étaient des conspirationnistes, des complotistes, enfin, que ça relevait du fantasme. Philippot dit exactement la même chose, ils sont sur la même ligne, mais ce n'est pas Philippot qui je pense, manipule Marine Le Pen. Elle le pense, bon, il arrive à enrober ça, il arrive à passer dans les médias parce que c'est un homme du système, mais voilà, ils le pensent réellement, ils sont dans une optique complètement électoraliste et ils ont acté le fait qu'il y a un certain nombre, plusieurs millions d'électeurs afro-maghrébins. Marine Le Pen avait déclaré le 18 juillet en confondant les fondamentalistes islamistes que je combats et les musulmans, Bernard Cazeneuve insulte les musulmans et se discrédite. Donc voilà, c'était après la boucherie de Nice. Donc plutôt que d'avoir un discours offensif comme son père avait pu l'avoir, que les Français attendaient, non, elle essaie de ménager la chèvre et le chou, mais là plutôt les babouches et les cornes de gazelle, les babouches et le couscous, quoi, voilà, parce qu'elle se dit, attention, il faut ne pas oublier qu'il y a des musulmans français, les fameux musulmans patriotes, voilà, qu'on nous dit les musulmans français qui... souhaite s'intégrer, qui en fait n'existe que dans le fantasme de ces gens qui n'en croisent jamais ou qui en croisent un ou deux et ils essaient d'en faire une généralité. Donc voilà, c'est une ligne, c'est la, quand on parle d'une déviance du Front National, hein, qu'elle soit sexuelle ou qu'elle soit politique, voilà, Philippot l'incarne parfaitement à lui tout seul. Donc voilà, c'est quelque chose de très grave puisque en fait le Front National... Et actuellement, la plupart des gens votent Front National, non pas pour avoir de la compassion vis-à-vis des musulmans français ou des musulmans patriotes, mais parce que pour eux, c'est le dernier recours face à l'invasion musulmane, à l'invasion afro-maghrébine. Donc voilà, on a affaire à des usurpateurs, on a affaire à des gens qui n'ont aucune conviction politique, et c'est en fait la réussite du système. Ils ont parfaitement intégré le casting républicain, et ils ne remettent même plus en cause le dogme de l'immigration-invasion. Donc voilà, Philippot, c'est un homme du système qui a transformé le Front National de l'intérieur, bien sûr, avec l'aide de Marine Le Pen, qui n'en pense pas moins, qui est une femme de gauche. Ouais, c'est assez dramatique, je pense qu'il y a là-dessus... Moi, ce qui me... Vous voyez, ce que j'ai envie d'en dire, c'est que c'est l'opportunisme politique à des limites... qu'on enrobe sa communication, etc., qu'on soit tactique, etc. Pourquoi pas, mais qu'on feint de ne pas connaître l'histoire, qu'on ignore des réalités, voire qu'on ne les connaisse pas, ça me paraît extrêmement inquiétant, parce que, pour moi, ce que je veux dire, c'est que nos compatriotes musulmans, qu'est-ce que ça veut dire, nos compatriotes musulmans, déjà, quand on dit ça, déjà, on se présente sur un registre religieux, je suis pas convaincu que, enfin, dans la tradition du nationalisme français, je suis pas convaincu qu'on mette la religion islamique comme un déterminant de l'appartenance, je suis pas sûr. Ensuite, donc ça pose la question vraiment de leur sincérité sur le sujet, mais ils sont sincères envers personne, c'est ça que j'ai envie de dire, quoi. Ils sont pas plus sincères envers les musulmans qu'ils sont sincères envers les Français de souche ou les catholiques. C'est du coup par coup. Voilà, on est là, on joue sur tous les tableaux et sur aucun, et ils font jamais, visiblement, peut-être que je me trompe, ils ont l'air de faire un petit peu ce que font les autres, quoi. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus? Non, mais ça fait plusieurs mois, ouais, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on sent la tendance, quoi. Donc, que ce soit du discours à propos de l'immigration, le discours économique, c'est vrai que c'est pas folichon, en tout cas du côté de ce qui se passe dans le Nord avec Marine Le Pen et Florent Philippot dans l'Est. Dans le Sud, ça reste quand même un petit peu autre chose, mais voilà, il faudrait qu'il y ait une ligne claire qui se dégage de ce bordel-là, parce que ça peut pas trop durer, quoi, c'est pas stable. La ligne, elle est très claire, hein, voilà, c'est une ligne... gaucho-souverainiste vaguement patriote qui devient de plus en plus lisse et où à peu près tout ce qui représentait la droite nationale auparavant a été renié. Ils iront jusqu'à renier la lutte contre l'immigration. Je pense que voilà, ils suivent en fait la lâcheté de nos gouvernants, la lâcheté des autres, et je pense qu'on parlera bientôt de... on dira qu'on peut traiter avec... Valls traitera bientôt avec les salafistes modérés, avec les daéchiens modérés. Il le fait déjà. Hein. Il traite déjà avec les salafistes. Mais je veux dire. On peut pas lui jeter la pierre. Hein. C'est quelqu'un qui. Enfin, sans mauvais jeu de mots, on peut pas le lapider. On peut pas lapider Valls pour ça. C'est quelqu'un qui a dit voilà, il faut pas confondre salafiste et djihadiste. Alors moi, j'étais là. Ah d'accord, ok. Pour moi. Marine Le Pen est à l'étape précédente en disant il faut pas confondre islamiste fondamentaliste et musulman. Donc voilà, elle est en train de suivre le processus. Alors peut-être que comme on n'est pas tellement... On est juste quelques semaines après le Tour de France, peut-être qu'on peut espérer une échappée de Marine Le Pen pour rattraper Emmanuel Valls et en faire un petit peu plus. Peut-être que l'islam quiétiste peut apporter quelque chose à la France, je ne sais pas. Avec Philippot, elle peut donner un bon coup de pédale, je pense. Elle était facile, mais il fallait la faire. Alors, passons de l'autre côté de l'Atlantique. Brièvement, hein, mais j'ai trouvé ça sympathique. On a eu un outing, je ne sais pas comment on dit, vous savez, quand quelqu'un... on utilise ce terme pour les homosexuels qui révèlent leur homosexualité. Bon, vous corrigerez. En tout cas, Clint Eastwood. Un coming out, merci beaucoup. Clint Eastwood. Fameux acteur, extraordinaire acteur. Moi, je suis un fan absolu de Clint Eastwood comme acteur, comme réalisateur. Est sorti du bois et il a soutenu la candidature de Donald Trump. Et il s'inscrit complètement en faux par rapport au courant dominant à Hollywood, parce que là, à Hollywood, là, c'est la panique générale. Hein. C'est tout le monde pour Clinton, extraordinaire Clinton, hein. Le tabouret Clinton, hein, qui nous rappelle Martine Aubry. Moi, je vous dis, il y a des trucs similaires. Et alors, Clint Eastwood, il est sorti du bois. Et il a pris une position assez ferme, non seulement en faveur de Donald Trump, mais plus généralement d'une certaine forme de refus de la pensée dominante. Voici, alors, je vais vous le citer, hein, pour un petit peu situer son propos. Je cite un article du Figaro, enfin, en l'occurrence, les citations que le Figaro rapporte. Donc, il tire à bout portant sur le politiquement correct, et voici ce qu'il dit. Il dénonce une génération de lèche-cul et de couilles molles qui vous rabâche qu'on n'a pas le droit de faire ceci ou cela. Tout le monde marche sur des œufs. On voit des gens se faire traiter de racistes et de toutes sortes de trucs. Des choses qui n'étaient pas taxées de racistes lorsque j'étais jeune. Quand j'ai fait Gran Torino, donc son film, hein, même mon associé m'a dit « C'est un très bon scénario, mais c'est politiquement incorrect. » Alors j'ai répondu « Bon, je vais le lire dès ce soir. » Le lendemain, en lui disant « On commence le tournage immédiatement. » Et il a dit d'autres trucs hein, dans son intervention, mais c'est quelqu'un qui dit en gros que Donald Trump parle comme il pense, il dit les choses telles qu'elles sont, et en gros, il y en a marre d'avoir ce patronage moral de la gauche, des intellectuels de gauche, et qui nous disent en gros qu'on doit accepter de voir nos pays ravagés. Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est quoi? c'est l'immigration. De voir nos pays ravagés par l'immigration, ça, non, il y en a marre. Retrouvons une paire de couilles, soyons des mecs et rentrons dans l'art. Est-ce que vous avez suivi ça? Alors, j'ajoute juste qu'il y a Chuck Norris aussi, bon, qui est un peu moins connu, mais qui a aussi Il est connu, il est connu, hein, il est connu de Chuck, hein. Qui a manifesté son soutien à Trump. Et il me semble aussi que Bruce Willis a posé avec Trump en lui serrant la main. Donc, je crois qu'il y a quand même, voilà, aux États-Unis, même si Trump est diabolisé, en particulier en France, je pense qu'il y a quand même des gens qui se décomplexent. Déjà, il y a toujours eu des acteurs qui ont soutenu les républicains. Et là, avec Trump, je ne pense pas du tout qu'il ait la même image aux États-Unis qu'on essaie de lui donner, l'espèce de diable qu'on essaie de donner en France. Voilà, Trump, il a la même image que Jean-Marie Le Pen, quasiment dans les médias français. Tandis qu'aux États-Unis, je pense que ça doit être beaucoup plus nuancé maintenant, en plus qu'il est investi comme candidat des Républicains. Ouais, alors, tu citais des acteurs célèbres qui se sont engagés aux côtés des Républicains, qui incarnent en fait le parti de la droite majoritaire. Hein. C'est un petit peu particulier, c'est une autre tradition politique aux États-Unis. Mais on a John Wayne. John Wayne qui avait pris à rebrousse-poil tous les gauchistes progressistes d'Hollywood en soutenant la guerre du Vietnam. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Il avait même fait un film là-dessus, les Rangers. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez de ça sur le sujet. Et on a Mel Gibson un petit peu dans la même veine qui annonçait peut-être quelque chose comme ça. Mais on a quand même à Hollywood des gens, parce qu'il y a plein d'acteurs qui sont c'est une énorme industrie Hollywood, hein. C'est une industrie mondiale, c'est pas une industrie américaine, c'est une industrie mondiale, c'est colossal Hollywood. On a des gens qui façonnent la façon de penser. Et quand on est un candidat à l'élection présidentielle américaine, évidemment, on a besoin d'Hollywood. Autant qu'Hollywood a besoin du pouvoir politique américain. C'est une relation pratiquement entre époux, quoi. Et là, quand il y a des acteurs qui sortent du rang et qui disent allez vous faire foutre, moi Donald Trump je le soutiens, c'est pas rien parce que c'est s'exposer à des représailles, c'est s'exposer au candidaton. Alors Clint Eastwood c'est quelqu'un qui a 86 ans, c'est quelqu'un qui a rien à prouver, il est talentueux, personne ne peut contester le talent de Clint Eastwood. Plus il vieillit, mieux il est quoi au niveau de ses films, moi je trouve. C'est quelqu'un qui peut se permettre certaines libertés. Mel Gibson aussi à sa façon en vieillissant. Mais il y a des gens peut-être plus jeunes aussi qui ont pris position. J'ai plus de nom, mais j'en ai vu, qui ont pris position en faveur de Donald Trump. Mais on sent que Donald Trump, c'est un peu le challenger, mais un challenger qui est honni au point de ne pas trouver de soutien à Hollywood, vraiment des soutiens en nombre, en masse, quoi. Donc on voit bien que le mec est un outsider, quoi. Alors par contre, je ne savais pas qu'en France, il était carrément assimilé à Le Pen. Ça, je ne le savais pas. Bah, le traitement, en fait, le traitement médiatique, dès qu'on parle de Trump, tu as même la journaliste envoyée spéciale qui a ses meetings, enfin la journaliste, les journalistes qui prennent un air de dégoût, à peu près comme s'il était un meeting d'un parti nazi. Mais c'est haineux, c'est de la propagande, mais voilà, un peu la même propagande que pour Poutine, quoi. Tu vois, c'est à peu près la même chose. C'est exactement le même traitement. Le Front National actuel est beaucoup mieux traité que Trump dans les médias français. C'est là, il y a un dégoût total, une caricature des propos, enfin voilà, et sur les sites français d'information, c'est tous les jours, en fait, Trump a fait une boulette. Tous les jours, Trump a fait Ouais. un truc qui l'empêchera d'être élu. Enfin, on est dans un stade de propagande absolument délirant. Et rien D'ailleurs, sur évidemment. Ouais, vas-y, je t'en prie pour lui. l'expression Trumpisation des esprits a pris la place de Lepenisation des esprits. Oui, Et oui, même dans le oui. vocabulaire, ça se voit. Manuel Valls, Premier ministre de la France, a utilisé ce terme. Bah, Trumpisation des esprits. et Trump est plus à droite que Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il C'est un fait. est largement plus à droite qu'elle et largement plus décomplexé au niveau d'une politique anti-migratoire, anti-musulmane et également anti-étatique, quoi, anti-interventionniste. Enfin, je veux dire, à Ah côté, non, Marine Le Pen, c'est Sylvie Duflot, quoi. ouais. Non, mais absolument. Non, mais c'est un fait, hein. D'ailleurs, C'est ouais. D'ailleurs, en France, c'était à peu près il y a un an, quoi, hein, quand Donald Trump s'était déclaré, il commençait à faire parler de lui, hein, je crois qu'elle lui avait dit, elle avait dit que c'était qu'il était trop provocant, voilà, qu'il avait le discours trop stigmatisant, ce genre de choses. Et là, il me semble qu'elle le soutient, mais vraiment du bout des lèvres, quoi. C'est limite, oui, mais bon, parce qu'il n'y a rien d'autre, hein, Ah ouais, vraiment. non, mais moi j'ai vu C'est. Marion Maréchal Le Pen qui dit, elle a dit, c'est le candidat le moins nuisible. Mais ferme ta Ouais, non, gueule. voilà. Mais ferme ta gueule, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu défends comme position, toi? Mais ferme ta gueule. Franchement, je le dis comme je le ressens, sans filtre, ferme ta gueule. Parce que ce type-là, c'est le mec qui peut potentiellement remettre en partie et avec beaucoup de difficulté les idées les plus nobles qu'on défend sur les rails dans tout l'Occident. Et d'ailleurs, Hollande l'a reconnu, puisqu'il a dit que l'élection américaine, c'est une élection mondiale, il l'a dit en ces termes, il a dit une victoire de Trump remettrait beaucoup de choses en cause, et d'abord et surtout dans le monde occidental. Donc déjà, la gauche européenne reconnaît qu'une victoire de Trump aurait un impact colossal en Europe. Et là, on a des ingénus, pour parler poliment, qui sortent du bois, qui se situe soi-disant dans la droite nationale, machin truc, et en fait, qui canardent avec leurs commentaires à la mort moelle paf, peut-être un des rares espoirs qu'on ait eu en Occident au plan politique mainstream, quoi. Moi, ça me flingue, moi je vois les trucs comme ça me fait dégueuler, quoi. Vu les dents Ça me pourries de Non, Marine Le Pen, vaut mieux pas qu'elle te morde le paf. non, mais je parlais de Marion Maréchal Le Pen, excusez-moi, je Ah sais pas oui, si vous Marion Maréchal, oui. C'est elle qui a dit oui, ce candidat est moins nuisible. Attends, mais de quoi on parle, quoi? Bah, Marion Attendez. Maréchal Le Pen vaut sa tante, hein. Faut pas espérer mieux de la part. Elle a la même formation politique, c'est-à-dire aucune formation politique. Elles sont juste là pour en croquer, pour en vivre. Faut pas attendre d'elle la Moi, j'attends moindre. rien. Même si C'est pas que elle est plus intelligente, parce que bon, elle est élue dans une région qui est quand même plus à droite et comment qui a besoin d'avoir quand même d'être rassuré sur certaines choses vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis de la droite nationale des valeurs. Mais voilà, elle est sur la même ligne que sa tante, sur la même ligne que Philippot. C'est juste un conflit de personnes aujourd'hui. Ouais, enfin, en tout cas, ça m'a relativement fatigué parce que c'est un virage colossal aux États-Unis, c'est un enjeu crucial. On parle immigration, on parle démographie. Il y a des gauchistes, j'en ai pas parlé, Michael Moore, que quelqu'un, peut-être certains d'entre vous connaissent, quoi. C'est un des réalisateurs de la gauche américaine. Il est insupportable, hein. Mais c'est Il n'est pas quelqu'un qui encore crevé, la explique. coma diabétique, lui. Ah, bah, écoute, c'est parfait vivre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a expliqué par le menu que, voilà, c'est le baroud d'honneur de l'homme blanc. Voilà. Enfin, c'est des gens qui jubilent autour du bûcher funéraire de la race blanche, quoi. C'est des gens qui s'amusent de ça. Moi, ça me fait pas rire. Et quand je vois une réaction comme Donald Trump, une réaction de survie, une réaction salutaire comme Donald Trump, qui bien sûr a sûrement des défauts. Enfin, c'est un personnage qui est pas un politique à la base et probablement qui a pas une formation historique ou géopolitique. Mais on s'en fout, quoi. C'est quelqu'un qui parle avec ses tripes, qui essaye de lever le truc. Et là, en France, où on est dans la même lutte, quoi. On est dans la même lutte. On a des gens qui arrivent, oui, mais pas quand même, machin, truc là, pour nous dire que peut-être finalement le mec est pas assez à gauche, quoi. Non, mais Oh, c'est voilà, quoi. ouais, c'est le nombrilisme français, quoi. En dehors de la France, on s'en fout, quoi. Surtout, bienvenue Bah, au nouveau Front National. Voilà dans quel état est le Front National aujourd'hui. il y aura probablement des choses à en dire. Bon, en tout cas, excellente discussion, je pense, nos auditeurs nous le diront cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour, à mon avis, des sujets brûlants sur l'actualité. À bientôt, chers amis. Y'a bon la sécu patron, y'a bon la sécu la bidon, y'a bon la sécu patron, y'a bon la sécu encore, y'a bon la sécu patron, y'a bon la sécu la bidon, y'a bon la sécu patron, y'a bon la sécu. Tant que les Français seront assez tarés pour balancer tout leur blé, pour qu'à l'œil on se fasse soigner, oh, à l'hosto on va défiler, oh, y'a bon la sécu patron. Y'a bon la sécu là, dis donc, et hop, y'a bon la sécu, y'a bon la sécu, dis donc, y'a bon les allocs, patron, y'a bon les allocs là, dis donc, y'a bon les allocs, patron, y'a bon les allocs. tant que les Français seront assez couillons et donneront tout leur pognon pour qu'on ait des allocations. A pas question où en tout est maison. Oh, y'a bon les allocs patron. Y'a bon les allocs la dilon. Y'a bon les allocs patron. Y'a bon les allocs encore. Y'a bon le chôme du patron. Y'a bon le chôme du la dilon. Y'a bon le chôme du la dilon. Tant que les Français seront assez grands pour filer tout leur argent. Nous ici, on est contents. Même au chôme du dégagnant. Y'a bon le chôme du patron. Y'a bon le chôme du latinon. Y'a bon le chôme du. Y'a bon le chôme du patron. Y'a bon la sécu patron. Y'a bon la sécu latinon. Y'a bon le sécu patron. Y'a bon la sécu encore. Y'a bon les allocs patron. Y'a bon les allocs latinon. Y'a bon la sécu patron. Y'a bon la sécu encore. Y'a bon le chôme du patron. Y'a bon le chôme du ladidon. Et hop, y'a bon le chôme du. Y'a bon le chôme du encore. Y'a bon la sécu. Y'a bon les allocs. Y'a bon le chôme du. Y'a bon la sécu patron. Y'a bon la sécu encore. Et hop. Y'a bon la sécu patron. Y'a bon la sécu. Y'a bon la sécu patron. Y'a bon la sécu.